Déflagration par Clarisse Sandre. Déflagration apocalyptique sur l'écran noir cathodique de mes nuits blanches horrifiques. Kaléidoscope géant ou destin chaotique, heure tragique et malheur cinglant, ce télescope sur l'horizon infini de mes nuits d'insomnie aux rêves dionysiaques. Sous les cieux paradisiaques, fuyant les desseins démoniaques et les cauchemars paranoïaques, Ariane, la mythique princesse homérique, sans cesse dévie la pelote du fil élégiaque, tisse les linceuls des espérances déçues, des grandeurs déchues, des idées rances, et hisse les drapeaux blancs de l'enfance en déshérence. Fée Viviane, dame iconique du lac conérique, espérant les sauver des eaux diaphanes de nos larmes, forge des armes pour ses sœurs de cœur, les femmes, de la terre les oublier, les maltraiter, les sacrifier. Plus de Lancelot, de roi Arthur, de héros. Noirceur, sur le ciel d'azur, chaos, du passé au futur. Le caduc sacré du mal sauveur s'est brisé. L'humanité sans cœur, enracinée dans sa cruauté indomptée, des enfers au sommet de la hiérarchie catapultée. L'humanité, fille d'Adam et Ève, de Dieu les enfants maudits, à genoux, vomit des zombies de boue et de chair pourrie, d'ignorance et bêtise pétrie, de haine vénéneuse, jalousie hideuse et violence ténébreuse nourrie. Cachés dans les trous, les égouts, ces soldats de la bête immonde, en ombre, envahissent les ondes. Des abysses infernaux, au sommet immoraux, inondent le monde, qui de nouveau, sombre, sous les coups fous de cette armée de l'ombre. Hurlements tonitruants, incessants et terrifiants, larmes de feu et de sang, silence de plomb, personne aux appels à l'aide ne répond. Amoncellement de corps sacrifiés au veau d'or, sur l'autel de la vanité et de la cupidité. Vie broyée par les dents d'acier de carnassiers déshumanisés, impavides et impassibles, de pouvoir, papier timbré, billets et territoires avides jusqu'au délire de l'infernal et incontrôlable ire. Pas d'allégeance pernicieuse à ces puissances de nuisances insensées et vicieuses. Mais que faire pour espérer échapper à ces misères et souffrances outrancières, cette déliquescence, cette violence, pour sauver nos âmes, notre terre précieuse et sacrée? Clarisse Sandre, le 8 novembre 2025.